Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous écoutez Radio Radio sur 106.8. Il est 21h02 et c'est l'heure de vraiment autre chose. Ouais. Et on est hyper content d'être enfin de retour dans les studios de Radio Radio. Quand je dis « on », c'est que je ne suis pas seul. C'est vraiment autre chose, la petite émission musicale d'obédience progressive. Nous poursuivrons ce soir notre exploration radiophonique. Voilà, nous poursuivrons notre exploration radiophonique au pied de la lettre. Au pied de la lettre, qu'est-ce que c'est ? C'est une tentative d'exploration radiophonique de la Nurse with One List. Tout un mystère. Eh bien, je vais lever le mystère de suite en vous expliquant de quoi il en retourne. De quoi il en retourne ? La Nurse with One List. On est en 1979 quand sort le premier album du groupe Nurse with One, Chance Meeting on the Dissecting Table Between a Sewing Machine and an Umbrella. Non, je perds mes mots, je perds mon anglais. Et cet album-là fera date, non seulement pour la musique qu'il contient, parce que le groupe Nurse with One, ce sera le tout début de sa très très longue discographie. C'est un groupe qui aura vraiment qui existe encore d'ailleurs, qui aura marqué les esprits en matière de musique expérimentale, avant-gardiste, new wave, collage sonore, expériences bizarres et variées, remix, comme on l'a souvent pu l'entendre avec notre ami Nico, des remix de ce qu'il y a pu de morceaux, d'autres morceaux, des réécritures. Voilà, je prends mon souffle. La préparation de cette émission a été relativement compliquée, d'où le fait qu'on n'est pas tout à fait prêt, mais on l'est. La Nurse with One List, donc en 1979, sort cet album, donc qui contient de la musique, mais qui contient surtout et aussi une liste de 300 noms, 291 noms pour être précis, qui sont les influences qu'ont amené les musiciens à faire ce groupe. Parce que voilà, si on suit les propos de ces gens-là, et principalement de Steve Stapleton et John Fogerhill, n'y a pas besoin d'être musicien, de connaître la musique pour en jouer. En fait, il suffit de savoir écouter. C'est leur propos. Et ces gens-là ont beaucoup écouté, parce que ce sont des férus, je parlerai pas de collectionneurs, mais des chineurs, voilà. Des chineurs de musiques expérimentales. Et depuis le début des années 70, nos deux larrons écument les disquaires de Londres, d'Angleterre et d'Europe à la recherche de tout ce qui peut être un petit peu étrange et sortir de l'ordinaire. Et ils se forgent une discographie assez extraordinaire, ils écoutent beaucoup de choses et ça leur donne envie ensuite de créer leur propre musique. Et ainsi naît Nurse with One en 1979. Quant à cette liste, elle fera son petit bonhomme de chemin, elle deviendra comme ça au fil des ans une espèce de saint graal des musiques progressives et expérimentales, et tout amateur de ces musiques là se devra de connaître cette liste, de connaître chaque musicien et chaque groupe qui sont dans cette liste. Pas très compliqué, me direz-vous, parce qu'on y retrouve du Captain Beefheart, du King Crimson, du Frank Zappa, Christian Vander, des grands noms de musique expérimentale certes, mais quand même qui ont une certaine renommée et qu'ont beaucoup marqué. Mais au milieu de ces grands noms, on retrouve des groupes complètement obscurs. Certains n'ont sorti qu'un morceau, certains n'ont sorti qu'un album. Il y avait même une légende comme quoi certains des noms de la liste étaient inventés. Eh bien non, et c'est ce que nous tentons de vous prouver depuis quelques émissions de Vraiment Autre Chose. Et encore ce soir, pour cette 185e édition, nous continuons donc notre exploration radiophonique de la Nurse with One List. Et on en est à la lettre F. F comme fabuleux, F comme fantastique, F comme franchement, ça va être tout défoncé ce soir, ça va être vraiment trop bien. Et il y a beaucoup de raisons d'être heureux et de se réjouir. Et la première et peut-être la plus importante de ces raisons, c'est que je ne suis pas tout seul et qu'en face de moi, derrière la vitre en plexiglas, se trouve l'incroyable, la fantastique, elle est enfin de retour. On attendait son retour comme le loup blanc. On attendait son retour même comme étronfou le loup blanc. Formidable. Formidable, bien sûr. Il s'agit évidemment de la sémillante Inès. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de revenir dans les studios. Oh là là. Quel plaisir de revoir vos bouilles. F comme Philippe. Ah oui, attention, c'est le début d'une longue émission. Longue et qu'on espère douce et agréable. Et on n'y manquera pas. Et alors, on n'est pas tout seul, car derrière ça marche pas non plus. Magnifique, parce qu'il se trouve que nous avons aussi en notre compagnie le sémillant, l'excellent, l'indéfinissable Nico. Nico, tu es là ? Je suis là. Bonsoir Nico. Bonsoir à tous. C'est vraiment toute dernière seconde que je suis arrivé. Ah ben radio, hein, ça marche comme ça. Hein. Parce que j'ai un peu peur de le loup blanc qui est dans le studio là-bas. Pas du tout. Bon, comment tu vas Nico ? Très très bien, très très bien. Vous avez manqué déjà un petit peu, hein ? Ben oui. Ben oui, voilà, les choses ont repris un peu leur cours à Bruxelles. Du coup, tu n'étais pas avec nous en direct sur les dernières émissions parce que voilà, tu avais mieux à faire, visiblement, à faire comme la lettre F. Ouais, mais j'ai quand même un peu faim, tu vois, c'est déjà le soir et je pense que j'ai besoin d'un bon frit. Un bon frit avec un bon maillot. Allez là! Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Oh, mais c'est tellement une bonne idée. C'est pour ça que j'adore habiter aussi à Amiens. C'est pour manger des frites. Alors, c'est pas les mêmes que chez vous, mais bon, on s'y rapproche, quoi. Voilà, tout à fait. Et il faut justement ajouter une bonne sauce. J'ai trouvé une sauce qui est super chouette. Ça s'appelle frette. Je sais pas si vous connaissez la sauce frette. Ah, pas du tout. Dis-moi. C'est une sauce qui vient de l'Angleterre. C'est une sauce un peu atypique, je pense. Ah ouais. Mais c'est un peu comme les sauces qui sont en France, qui sont en Angleterre, excuse-moi. Je ne veux pas te confondre la France et l'Angleterre. C'est deux pays complètement différents. Et pourquoi ? Parce que je commence l'émission ce soir avec Fred Frith, un guitariste, violiste, accordéoniste, chanteur, bassiste. Il joue beaucoup des instruments. Il était né en Hatfield en Angleterre en 1949, mais après quelques années, je pense, comment qu'il a 18, 20 ans, je ne sais pas quel âge exactement, mais il a déménagé vers l'Angleterre, vers Londres, où il rencontre un monsieur assez intéressant, Tim Hodgkinson. Et là, sa vie commence à changer. Je ne vais pas trop y aller rentrer dans cette rencontre-là, parce que là, il y a un épisode suivant qui va plutôt dédié à ça, parce que c'est cette rencontre et le groupe légendaire Henry Cott a commencé. Et là, c'est pour l'émission avec la lettre H où qu'on va développer ce projet-là. Je pense que c'est Manu qui va vraiment s'occuper à ce niveau-là, parce que je pense que c'est quand même un de ses groupes favoris dans le Rock and Opposition. Mais à côté de ça, il y a Fred Frith qui était aussi un guitariste. Il a aussi joué avec Robert Wyatt. Je ne sais pas si vous connaissez l'album Rock Bottom. Et donc, sur l'album Rock Bottom, il a joué un morceau ensemble avec Ivor Cutler, le grand poète de l'Angleterre. C'est un génie. Et après, il a aussi enregistré ensemble avec Ivor Cutler quelques morceaux sur un autre album d'Ivor Cutler qui s'appelle Velvet Donkey. Là, je pense qu'il y a 5 morceaux qui sont sur cet album-là. Et il y a en 1974, il y a aussi Fred Frith qui prend l'initiative d'enregistrer son tout premier album. Et cet album en solo, et c'est ce tout premier album en solo, ça a complètement changé et c'est de musique d'improvisation. Mais je pense que ce n'est pas de si bien expliqué que Fred Frith lui-même. Je pense que c'est mieux d'entendre l'explication de Fred Frith parce que j'ai eu récemment l'occasion de lui rencontrer fin août. J'étais au festival Météo à Mulhouse et Fred Frith était là durant une semaine et il a eu l'occasion de me consacrer quand même beaucoup de temps, 1h30, presque 2 heures, qu'on a eu une conversation qui était réalisée ensemble. Et finalement, ces deux émissions de radio qui sont nées à ça. Et ces deux émissions radio sont actuellement diffusées sur Radio Panique à Bruxelles, une émission que je fais là-bas. C'est chaque mardi. Et la semaine passée, c'était le premier épisode. La semaine prochaine, c'est le deuxième épisode. Et j'ai pris un extra de cette interview-là, parce que là, on parle vraiment de cet album qui date de 1974 de Fred Frith. Et je ne sais pas si Manu est prêt pour lancer le petit interview. Eh bien, c'est parti, camarade. On va entendre Fred Frith et toi-même. Also, I think it was in 74, your first improvisation guitar solos came out. Mm-hmm. What means improvisation for you? What means improvised music for you? Ach, the old questions. Yeah. Well, you know, this question has been answered so many times, much better than I could spontaneously decide it, but I think it's like, very simply put, improvised music is music which is composed in the moment of its performance, as opposed to music which is composed in advance of its performance. So that kind of instant composing means that that being in the moment is the important thing, that you have to be very alert, you have to be awake, you have to be aware, but it's happening now. It's not then, it's now. It's not then, it's always now. And so you have to be prepared to change your direction and not be tied to it. A good analogy would be playing soccer. Soccer is a game where everybody's in the moment making predictions. This person has the ball, they're going to pass it there, therefore I should go here. So the person with the ball does something you didn't expect. And you have to anticipate that this might happen and therefore be ready to change your itinerary quickly. But every moment of the game, this prediction and upsetting of the prediction is going on. That's just like improvised music. That's what's happening all the time. You have a feeling for what might happen, but it's irrelevant. What's actually happening is what's important. So you're constantly adjusting all the time in order, you know, you don't have to score a goal, but... Did you ever play soccer in competition or...? No, but I coached soccer. Okay. I had a lot of years to think about it. I coached my son's team between age 8 and age 14, so 6 years. I was coaching a boys' soccer team. We played every week games. We had to train. And so I thought a lot about all of this stuff. You know, it was interesting. I was also teaching improvisation at the university during the same period, so... I was constantly learning things from both about how it works. That's why I have this innate understanding about how they relate to each other, because I was living it every week. In 74, there was that solo album that came out. Later on, there came two other ones out. Yeah, there's Clearing and To Sail, To Sail, yeah. Yeah. In which way do you have the impression that the music has changed in those different years? Oh, it's changing in different weeks. Yep. But the thing about the first one is that I was working blind. I had no idea what I was doing, and I gave myself 2 weeks to figure out what to record, and I was trying to rethink the guitar. And so it is what it is. There it is. But what was interesting to me about it, I find especially now, is that actually nothing changed then. I was in the middle of Henry Cow. We still had, you know, 4 more years. And I didn't have time to think about solo playing. The record came out, but it didn't affect anything. I was mostly doing what we did in Henry Cow. So the effect of what I did on guitar solos was minor. I didn't play solo concerts. I wasn't doing anything in particular. So there was this big, long pause, 4 years, in which that record existed in a kind of a void for me. It was nice that it was there, and everybody said great things about it, but it was like, it didn't change me. It wasn't until I moved to New York and started playing solo performances that I started to be able to understand a little better where I could take it. So starting in 78, I started doing a lot of solo guitar performances all over the place, including a tour in Japan where I really got fairly fucked up because I was wrestling with the idea that if you're really improvising, you should never repeat yourself, which of course is nonsense. But I didn't know that then. So I was wrestling with all kinds of philosophical things about improvising and playing solo a lot. And so, yeah, the music developed enormously. So when I did the second record, Clearing, there were many years of solo performance that had happened. But, again, the record is like the first one in a way, but even more so, is more like a series of études. So it's more like I'm exploring different areas of technical approach to the guitar. Each track represents a different kind of approach. And the you can hear on each one how the music has developed since 74. It's very different. For me, it's clearer, and the sound is more interesting, and many things. But it's the etude, and the acoustic record is the same. It's like the acoustic record is like laying out a template of possible areas to explore. So with the acoustic record, I was thinking, now I can follow this up. And in a way, it's been the same. I've done nothing. There are all these ideas about acoustic playing which sound great on the record, and I haven't really had time to explore that. So I think the next thing would be to do a series of acoustic music concerts and see what happens then. But things go slowly, you know. I have done another solo record, which was recorded live at the Atelier Klaus. Yeah, a few years ago. Which was a live performance, which is, there you can hear an approach which is not based on etude, so it's much more energy and density, and yeah. So yeah, it keeps on changing. Eh ben, merci Nico pour cette petite interview. Puis on entendait derrière un peu l'ambiance de Mulhouse. Ça fait toujours plaisir d'entendre l'ambiance de Mulhouse. Ça rappelle des bons souvenirs. Cela dit, je vais pas te mentir, j'ai pas pigé grand chose. Est-ce que tu pourrais nous traduire rapidement un petit peu ce qui s'est raconté? Ouais, donc en première partie, il explique un peu c'est quoi la musique d'improvisation pour lui. Et là, il fait un peu la comparaison avec le foot. Il trouve que de l'improvisation, c'est un peu comme on joue le jeu, le football. Parce que si on joue le foot, il faut toujours penser en avant, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va faire. Et chaque fois, il y a quelque chose qui change, et donc il faut réagir à ce niveau-là. Et pour lui, c'est un peu comme la musique d'improvisation, c'est justement réagir au moment même. Ça, c'est un peu la synthèse, ça. Il était aussi était un coach à ce niveau-là. Son fils, au moment qu'il était le coach dans le club de foot où son fils jouait, durant 6 ans, et que là, il donnait au même moment des cours d'improvisation, et qu'il a trouvé le lien entre le foot et la musique d'improvisation. C'est la première fois que j'entends quelqu'un expliquer ça si clair dans ce niveau-là, de le comparer avec le foot et les choses assez théoriques en général. Mais ici, c'est assez bien expliqué, je trouve. Ensuite, il explique aussi un peu qu'avec son premier album solo, il a joué tout le temps avec Henry Cow, et d'un coup, il pouvait faire cet enregistrement-là. Mais il ne savait pas quoi faire, donc durant 2 semaines, il a eu le temps d'enregistrer cet album-là, et il ne savait pas quoi de jouer, et finalement, c'est arrivé qu'il se basait chaque fois sur des études. Donc, c'est, je pense, 8 ou 9 morceaux qui se trouvent sur l'album-là, et chaque morceau, c'est une étude qu'il fait. Je ne sais pas comment exactement, mais il utilise un matériel ou quelque chose, et ça lui dirige vers la musique qu'il va construire. Ensuite, je lui ai posé la question, parce qu'il a fait entre-temps 3, peut-être 4 albums solo, quelle était l'évolution entre le premier album et actuellement. Et pour lui, il dit aussi, dans la musique d'improvisation, il y a chaque fois, chaque jour, c'est quelque chose d'autre. Mais finalement, il a quand même constaté qu'il a enregistré cet album-ci, et en 2001, il a enregistré un deuxième album sur Tzadik, Cleaning, je pense que ça s'appelle cet album-là. Et qu'il a finalement constaté que c'est un album assez similaire, ou qu'il se basait aussi sur des études, toutes les choses déjà réfléchies en avant. Parce que la musique d'improvisation, ce n'est pas uniquement de jouer au moment même, mais il a constaté durant ça que beaucoup des improvisateurs ont déjà une idée dans leur tête qui vont le développer durant qu'ils jouent sa live. Et pour Fred Fitz, c'était aussi l'enregistrement de ce premier album. Il n'a jamais fait un concert solo live. Et après qu'il a quitté ou que Henry Cow a arrêté, à ce moment-là, il a eu l'opportunité de jouer des concerts live. Et là, il a vraiment réalisé c'est quoi de faire de la musique d'improvisation. Et il vient de dire aussi, le dernier album qui était sorti en 2018 sur Klangkrieg, lequel était un enregistrement d'un concert qu'il a donné au Les Ateliers Klaus à Bruxelles. Et là, il a vraiment constaté que il a plus basé sur les études, mais là il était arrivé de réaliser vraiment de l'improvisation pure et dure. Et c'est aussi un concert que j'ai vu en live. J'étais sur ce concert-là et je pouvais dire que c'était quand même un concert fantastique. Mais peut-être que j'ai déjà dit un peu trop. C'est peut-être le moment d'écouter un peu aussi c'est quoi la musique de Fred Frick solo. On va peut-être écouter le premier morceau qui se trouve sur cet album-là qui s'appelle Hello Music. Ben ouais, on va s'écouter ça, parce que bon, pour les auditeurs qui découvriraient cette émission, c'est une émission musicale. C'est vrai que ça fait 23 voilà. minutes qu'elle a commencé, qu'on n'a pas passé de musique. On va en écouter beaucoup, rassurez-vous, hein. J'espère que vous avez apprécié les explications. Et on va s'écouter donc Hello Music, tiré de l'album Guitare Solo de Fred Frith, sorti en 1974. C'est parti. Ah ben, on voit de la musique et puis on peut dire qu'elle est bonne. Et ben, qu'est-ce qu'on fait, Nico? Tu veux nous parler un petit peu plus de Fred Frith? Ouais, un petit peu, mais pas trop, parce qu'autrement, je terrorise toute l'émission et je ne veux pas le faire, parce qu'il y a encore plein de trucs qui vont venir. Justement, Fred Frith, au moment qu'il a enregistré cet album-là, il ne savait pas c'était quoi la musique d'improvisation. Il a justement le découvert début des années 80 et là il s'est réalisé que la musique d'improvisation, qu'il était vraiment un grand scène de musique d'improvisation à Londres, par exemple avec AMM, avec Keith Rowe, Eddie Prevost et tous les gens comme ça. Et que là il s'est réalisé qu'il n'a pas inventé quelque chose de nouveau, mais que ça existait déjà depuis plusieurs années. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez Fred Frith un peu dans ce domaine-là, ou c'est plutôt dans les musiques plus populaires, c'est peut-être pas le bon mot, mais les musiques plus faciles à écouter, parce qu'ok, on vient d'entendre un morceau très court, qui était très facile à écouter, mais le morceau suivant, c'est un peu plus dur, je pense. Eh ben, partons dans du plus dur, c'est bien, c'est progressif. Voilà. Moi, à titre perso, Fred Frith, pour le coup, je l'ai vu en concert, j'ai eu cette chance de le voir en concert plusieurs fois. Je partage toute ton admiration et ton enthousiasme pour l'œuvre de ce monsieur et je me ferai un plaisir d'écouter le podcast de ta dernière émission dans Mukrael Sloa sur Radio Panique de mardi dernier, d'écouter l'épisode 2 parce que ouais, c'est vraiment quelqu'un dont je suis assez admiratif. Alors, pour la petite anecdote, j'ai eu l'occasion de l'interviewer une fois et en fait, on avait rendez-vous et tout. Et en fait, j'étais comme un petit adolescent devant Michael Jackson et puis j'ai pas osé y aller. Et puis il est là, il a regardé autour et puis j'étais là, oh, non, mais j'ose pas y aller, c'est Fred Frith. Bah, bref, enfin, ça c'était vraiment pour la petite anecdote. Donc, on s'écoute un autre titre toujours tiré du même album, Out of Their Heads. Oui. Et ben, c'est parti. Thank you. Kylian Mbappé au ballon, suivi de Romelu Lukaku. Très beau jeu. Zidane est belle improvisation autour d'un ballon. Voilà. Oh là là. Et voilà, c'est ça. On va rejouer. Voilà, comme ça. Enfin, vous expliquez à nos auditeurs. Hein, pour ceux qui nous écoutent en différé. Par exemple, peut-être que vous êtes en train de nous écouter sur Bram FM. J'ai oublié de citer les copains de Bram FM, mais peut-être que vous nous écoutez du côté de la Corrèze sur Bram FM. Et que donc il doit être à peu près 23h10, si je dis pas de bêtises. Un vendredi, du coup, vous comprenez peut-être pas spécialement la saillie drôlatique de notre camarade Guénolé. Peut-être que vous nous écoutez sur les podcasts de Vraiment Autre Chose, sur le Mixcloud de Vraiment Autre Chose ou de Radio Radio. Et du coup, là, vous êtes peut-être allé sur le blog de Vraiment Autre Chose en tapant Vraiment Autre Chose haut et fort sur un moteur de recherche. Mais je sais pas. Mais du coup, si vous ne nous écoutez pas en direct ce jeudi 7 octobre à 21h35, vous ne pouvez pas savoir qu'en ce moment même, il y a France-Belgique qui se joue en foot. Et que du coup, et nous, on a décidé de non, la France n'est pas contre la Belgique, la France est avec la Belgique. Nous sommes avec Nico Bogaerts de Radio Panique et nous partageons notre amour pour la lettre F de la Nurse with One List et particulièrement pour Fred Friis. Ouais. Voilà. Oh, cette belle redescente. Belle bien. Passe. C'était un lob là. Et c'est combien pour l'instant? C'est 2-0 pour la Belgique. Ah, cool. Ah, oh là, attends, on va suivre. Ah, mais voilà, amis auditeurs, restez à l'écoute de Radio Radio parce que vous pouvez suivre le match quand même. Il n'y a pas de problème, commentatrice. Il n'y a pas de souci. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Eh bien, en tout cas. Bah, après tout, Fred, tu nous as expliqué que Fred Frith considérait qu'on pouvait s'appuyer sur le foot pour parler de musique improvisée. Donc, on a le droit de parler de foot dans une émission de musique expérimentale, nom de Dieu ! Non, mais c'est pas vrai. Mais c'était, sinon, blague à part, c'était très plaisant, là, ce deuxième morceau. Autant le premier, j'ai trouvé un peu plus... Ouais, non, moins convaincu. Mais celui-là était vraiment, vraiment chouette. Bah, c'est un peu tout l'album. Hein. C'est un album assez dur à écouter. Parce que c'est la musique d'improvisation. En général, la musique d'improvisation, il ne faut pas l'écouter sur un disque, mais il faut le voir en réel. Ouais. De fond, les musiciens, c'est... Souvent, les albums sont moins convaincants que les concerts. Comme il expliquait, l'album qui était enregistré au Desert Lake Close, c'était vraiment au milieu du concert et c'était super. Et sur le disque, c'est chouette, mais pas plus. Parce qu'il y a manque l'environnement, les réactions du public, toutes les choses comme ça. On manque ça. Et dans la musique d'improvisation, c'est souvent compliqué de capter ça dans une manière convenablement. Ça nous rappelle à quel point c'est important d'aller en concert, à quel point c'est plaisant de revenir dans les salles, quoi, de vivre un petit peu la musique plus que uniquement l'écouter, finalement. Tout à fait. Et aussi, sur ce concert-là, il jouait aussi le food. Hein. Oh. Donc, il a un bal dans son truc et il se baladait dans toute la salle. Bon, ben, décidément, c'est une... Je vais reprendre la balle au vol, du coup. Voilà. Et on va jouer collectif. Contrairement à Kylian Mbappé, et on va essayer de parce que ça me fait vraiment plaisir que tu parles de Fred Frith, d'Enrico. Effectivement, on s'en est souvent fait l'écho dans cette émission. L'écho. Et on a même une soirée spéciale Rock in Opposition qu'on a réalisée il y a 8 ans avec l'ami Stéphane qui s'appelle La Nuit du Rock in Opposition. Je vous invite vraiment à écouter si vous ne connaissez pas ce mouvement. C'est vraiment un mouvement passionnant qui aura vraiment marqué l'histoire des musiques inconventionnelles, comme dit très bien Nico. Non pas qu'elles ne suivent pas de conventions, mais qu'elles ne suivent que les conventions qu'elles se sont elles-mêmes fixées. J'aime beaucoup ta formule, j'avoue que je me l'approprie de temps en temps. Et donc pour parler de Fred Frith, c'est aller un peu plus loin. C'est vrai que pour l'instant, notre idée, notre ligne de conduite sur cette Nurse With One List qui est sortie en 79, c'est de ne parler que de choses qui sont sorties avant 79, donc qu'ont pu être éventuellement écoutées par Steve Stapleton et John Forcus Hill. Et en ce qui concerne Fred Frith, il n'a sorti en solo que cet album-là, en 74. Pour le reste, il était surtout actif au sein du groupe Enrico, et petite incartade avec Robert Wyatt, comme en parlait très bien Nico tout à l'heure. Par la suite, dans les années 80, le label Ralph Records, le label des Residents, propose à Fred Frith de lui produire, qu'il enregistre 3 albums pour ce label-là. Et ces 3 albums sont pour moi l'alpha, l'oméga, le bêta, je sais pas trop comment on dit, le premier, le nouveau, le troisième testament, enfin c'est vraiment 3 albums magnifiques que je vous invite vraiment à découvrir. Ce sont des pures merveilles. Moi c'est comme ça que j'ai découvert Fred Frith, par ces albums-là, et c'est assez fabuleux. C'est des albums qu'il a enregistrés avec les copains. Le premier album, Gravity, il enregistre la face A avec Samla Mamas Mana, un groupe que vous connaissez si vous écoutez vraiment autre chose, parce que c'est notre musique de générique habituelle, et puis c'est un groupe dont on a beaucoup parlé, un groupe de folk déjanté et improvisé suédoise, pour faire vite. Donc il enregistre cette face A avec Samla Mamas Mana, la face B avec les Muffins, un groupe de Canterbury Zapayens américains, hyper intéressant aussi. Ensuite sort le deuxième album Speechless, dont il enregistre une face avec Étron Fou, le Loup Blanc, et la deuxième face avec les musiciens de son trio Massacre. Et ensuite, le troisième album s'appelle Cheap at Half the Price, et qui pour le coup s'appelle pas Cheap pour rien, parce que c'est un album qu'il a réalisé tout seul avec juste une console 4 pistes, où il joue la plupart des instruments, et de temps en temps il rajoute des batteries qu'il a piquées dans des morceaux des 2 albums précédents, donc de ses copains batteurs qui sont venus l'assister. Voilà, et ces 3 albums, sincèrement, ces 3 incontournables de ces musiques-là, et je ne n'aurai de cesse de les recommander particulièrement. Et je vais donc essayer de vous faire partager l'amour pour ces albums-là en s'écoutant donc un extrait de chacun de ces 3 albums. Dès que je serai arrivé à régler le machin qui ne veut pas se régler. Voilà, merci le machin qui ne veut pas se régler. Alors, donc, on va s'écouter d'affilée. Don't Cry For Me, tiré de l'album Gravity, où on retrouve Fred Frith entouré des musiciens de Samla Mamasmana. Ensuite, on va s'écouter A Head in the Sand, un titre qu'il a enregistré avec Etronfou le Loup Blanc dans l'album Speechless. Et on va terminer avec Same Old Me, tiré de l'album Cheap at All the Price. Donc voilà, la trinité. Voilà. Donc on va s'écouter un extrait de chacun de ces trois albums d'affilée. Pour plonger un petit peu plus dans la musique de Fred Frith, il faudrait y consacrer une nuit entière, voire 24 heures, voire une semaine, parce que tout ce qu'a pu sortir et produire ce monsieur vaut le coup d'oreille. On se fait un prochain hors-série, c'est ça que tu es en train de dire, quoi. Voilà. On est déjà sur la programmation de l'année suivante, quoi. Au pied de Fred Frith. Au FFF. Allez, ouais, c'est parti, donc on s'écoute tout ça et on en parle juste après. We'll be right back. fucking problem, I'm all made. C'est écouté donc d'affilée trois titres tirés des trois albums solo suivants de Fred Frith, donc sorti chez le label des Residents, le label Ralph Records. Il y a toujours une, pas mal de rumeurs hein, concernant Fred Frith et les Residents, comme quoi c'était peut-être un des individus cachés derrière les grandes boules d'œil. Ben, on le saura peut-être jamais. Nico, tu as des infos là-dessus? Tu l'as demandé s'il avait fait partie des Residents? Non, mais je sais que ce n'est pas le cas parce qu'il a rencontré les Residents en 1979 à New York au moment qu'il est arrivé là parce qu'il donnait un concert à New York. Et que j'ai aussi bien compris, pour lui c'était trop compliqué parce qu'il adorait de bouger tout le temps. Il faisait pas mal de concerts avec ses propres groupes. Je ne pense pas qu'il était un membre de Residents, mais il y a quand même une petite collection à faire, parce que tu disais qu'il a signé un contrat pour 3 albums sur Ralph Records. Ce n'était pas le cas, il a signé pour 5 albums, mais qu'ils n'ont que 3 qui sont réalisés. Il ne m'a pas expliqué pour quelles raisons les 2 n'étaient pas réalisés, mais heureusement, parce que si tu as fait 5, tu imagines que tu écoutais chaque jour les 5 albums, la journée est trop courte. C'est vrai. Ben déjà, chers amis auditrices, commencez par écouter ces trois-là, quoi, Gravity, Speechless et Cheap at Half the Price, pour vraiment rentrer dans l'univers de Fred Frith, dans un autre univers de Fred Frith. C'est vrai que c'est pas le même propos que ce guitare solo que tu nous as fait découvrir. Là, on retrouve un petit peu plus le sens de la mélodie. Tout bêtement, de Fred Frith, un côté même pop par moment. Et sur ce troisième album, pas forcément le morceau que j'ai passé d'ailleurs, mais sur Cheap at Half the Price, on retrouve aussi le côté assez militant de Fred Frith. Des paroles assez engagées, comme il a pu en écrire dans Enrico ou dans Heartburst, c'est ce qui a amené au mouvement Rock in Opposition. On a affaire à un musicien très, très engagé, en fait, hein, plutôt proche du Parti communiste et du reste, comme son ami Robert Wyatt, dont t'as parlé tout à l'heure. On avait vraiment une vague de musiciens qui voulaient changer le monde en commençant par changer la musique. On va dire que c'était un petit peu ça aussi, Rock in Opposition. Art is not a mirror, it's a hammer. L'art n'est pas un miroir, c'est un marteau. C'est pas un miroir pour se refléter le monde, mais un marteau pour pouvoir le changer. Le remodeler. C'était un des propos d'Enrico, de Chris Cutler et de Fred Frith. Et heureusement, on reviendra très vite sur Enrico, puisque la lettre H n'est pas très loin, on en est à la lettre F, donc on n'est pas fini d'entendre parler de toutes ces braves gens. On va changer, du coup, passer à un deuxième artiste. Il est presque 22h et je vais vous parler d'un pianiste. Je vais vous parler de Patrizio Farizelli, qui est né le 8 juillet 1951, c'est pour la petite phase Wikipédia. Issu d'une famille de musiciens. Alors rendez-vous compte, son grand-père était clarinettiste, son père était compositeur et tromboniste, son oncle violoniste, son frère saxophoniste et flûtiste, et quant à sa sœur, c'était une danseuse de renommée. Donc vraiment quelqu'un qui a grandi dans le milieu artistique. Il étudie le piano au conservatoire, et il est très vite repéré et pris sous son aile au conservatoire par le maestro Sergio Caffaro, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a déjà eu l'occasion de jouer sous la direction de musiciens comme de compositeurs comme Pierre Boulez ou Igor Stravinsky, par exemple. Et en 1972, notre ami Patrizio Farizelli rejoint le groupe Area, un groupe créé par Demetrio Stratos, groupe dont on a parlé quand on en était à la lettre A, groupe italien de rock progressif, eux aussi d'ailleurs, tiens, eux aussi extrêmement engagés et proches du parti communiste, voire anarchiste, avec des paroles extrêmement engagées. Le Tagliatella Rock. Le Tagliatella Rock, ouais, mais alors sur son côté le plus piquant. Pas le côté, ouais. Pas le côté fondant mozzarella, mais plutôt le côté assez piquant pepperoni, quoi. C'est vrai que dans le rock progressif italien, il y a quelques groupes qui se distinguaient notamment par des engagements politiques très forts. Certains ont été interdits de tourner aux États-Unis d'ailleurs à cause de leurs engagements politiques. C'était le cas d'Area, qui a joué principalement en Italie, un peu en France, un peu au Portugal, dans des pays qui avaient quelques accointances avec les propos de gauche. Mais c'est vrai que c'est un groupe qui n'a pas pu s'internationaliser à fond, notamment quand un album qui s'appelle Arbet Mart Fry, par exemple, ça n'aide pas tellement à sauter les frontières. Je reviens donc à Patrizio Farizelli, donc qui rejoint le groupe Area, où il va rester une douzaine d'années à peu près en tant que pianiste. En plus, il le rejoint pile avant d'enregistrer leur premier album, le Arbet Mart Fry dont je vous parlais il y a quelques secondes. Et donc, il fait une bonne série de live avec ce groupe-là. Ce groupe-là qui est édité dans un label qui s'appelle Cramps, un label italien. Et je parle de ce label parce que ce label, à un moment, au milieu des années 70, se lance dans l'idée de créer une série d'albums qu'il appelle Diverso et qui est consacré, je cite, au potentiel expressif des instruments de musique individuelle. Et là, il y a des grands noms qui vont enregistrer des solos donc, pour ce label, par exemple Derek Bailey, Steve Lacy, Demetrio Stratos lui-même, le chanteur d'Area, enregistrera un album sur cette série-là, et Fernando Grillo, que je cite parce qu'on va en parler dans pas longtemps, puisqu'il fait partie de la Nurse With One List à la lettre G. Voilà. Et donc, c'est en 1977 que Patrizio Farizelli donc, décide d'écrire de son propre album de musique, Anthropophagia, et qui sera le volume 7 de cette série Diverso, paru chez Cramps Records. Comment expliquer la musique d'Anthropophagia? C'est avant tout du piano solo, piano préparé, piano torturé, piano maltraité, piano bousculé, piano même mis à la verticale pour un morceau. C'est dire, le monsieur est allé très loin dans le fait de faire sonner son instrument différemment de ce qu'il pouvait sonner. J'en veux pour preuve le titre qui ouvre l'album, qu'on va s'écouter de suite, Rot Beef. Patrizio Farizelli est accompagné par un guitariste qui utilise des harmoniques de guitare 12 cordes. Et lui, Patrizio Farizelli, c'est son piano préparé avec quoi? Avec des vis, avec des clous, avec des chevilles en bois, avec du papier, avec des pierres, avec des chaises, avec un rouleau de coton et même un steak de bœuf, d'où le titre Roast Beef. Voilà, il est allé beaucoup plus loin qu'avait pu aller John Cage, par exemple, dans l'utilisation du piano préparé. Et on va s'écouter donc Roast Beef, le titre qui ouvre l'album Anthropophagia, donc Anthropophagia, Roast Beef, hein, ça tout concorde, de Patrizio Farizelli. Allez, c'est parti. Thank you. C'était donc Roast Beef de Patrizio Farizelli qui ouvre cet album Anthropophagia. Du reste, bah, tout l'album est du même tonneau. Ce sont des expérimentations. Voilà, là, pour le coup, il se lâche hein, dans Area. Il est cantonné à un propos jazz prog, en gros, mais sur le côté positif que peut avoir. Je vous jure que jazz prog, ça peut être bien. Et là, pour le coup, c'est hyper bien, Area. Mais en tout cas, il est cantonné plutôt à un rôle mélodique. Là, pour le coup, il casse tout et il se lâche. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Mon père me faisait faire mes gammes pendant que mon oncle me regardait répéter. Tout le monde me disait de jouer juste, de jouer. Non. Lui, il fait feu sur la musique pour le coup et il décide d'enregistrer cet album-là et de casser tous les codes qu'on lui aura appris. Et c'est très jouissif. Cet album est vraiment assez étonnant et il mérite vraiment le coup d'oreille. On va s'écouter le titre Scory maintenant. Alors pourquoi Scory ? Scory, il faut le voir un peu comme une scorie, un déchet, un reste. En fait, c'est très simple la démarche de Patrizio Farizelli sur ce morceau. C'est d'utiliser les 32 notes que Ludwig van Beethoven n'a pas jugé utile d'utiliser pour sa lettre à Élise. Donc toutes les 32 notes qui ne sont pas dans la lettre à Élise, bah, lui, il les utilise et il est. Voilà. Et donc. Et la démarche, elle est un petit peu, j'ai presque envie de parler de récup, mais ouais, c'est un peu ça, quoi. On prend les déchets, tiens, je peux prendre les déchets de Beethoven pour créer une œuvre, comme des plasticiens ont créé des œuvres à partir de déchets. Lui, il le fait à partir des déchets qu'un grand compositeur n'a daigné utiliser pour l'une de ses œuvres. Voilà, donc on va s'écouter les 32 notes qui manquent dans la lettre à Élise. On va s'écouter Scory de Patrizio Farizelli. Voilà, qu'en avez-vous pensé, cher camarade ? Ultra intéressant. Je vois bien ce côté récup. En tout cas, dans la manière dont cette musique-là elle est composée, c'est ultra, ultra chouette. C'était un beau moment, vraiment. Eh bien, ravi que ça t'ait plu. Et on va... Oui, non, juste pour rebondir, pas forcément sur ce morceau, mais ça pourrait matcher, comme on dit. Et avec les propos que non, tu disais, Manu et toi, Nico aussi, sur la conventionnelle, et tu t'en es pas rendu compte, Manu, quand tu parlais, mais tu as dit, ouais, juste après coup, tu as dit, ouais, pour ça, on va s'approprier ce morceau, et du coup... Je pensais voilà au préfixe à approprier, à conventionner. En fait, c'est juste changer, enfin ne pas prendre considération à la convention première ou à la propriété première, et du coup en refaire une convention nouvelle et une propriété. Du coup, en fait, s'approprier, c'est déjà se réapproprier en fait. Et du coup, la conventionnelle, c'est ça, c'est changer la convention initialement conçue. Enfin, ouais, je pensais ça, j'étais aux chiottes, c'est pour ça. D'accord, écoute, merci. En fait, c'est la définition de acte conventionnel que tu viens d'expliquer là-bas. Oui, tout à fait, voilà. Donc, enfin, voilà. Très bien. Bah, sans vouloir tirer la chasse, on va continuer. Continuer à tirer le rouleau. Le rouleau de papier toilette. Maintenant, cette liste de Nurse Who's Won n'est pas un rouleau de papier toilette. On ne peut pas le tirer. En plus, ça tombe bien parce que c'est à Manu de parler. Oh, complètement. Par contre, on peut le dérouler. On peut dérouler le fil de cette émission et continuer donc à découvrir l'œuvre de Patrizio Farizelli, avec une toute dernière extrait. Tout l'album est vraiment bien, Anthropophagia, je vous le recommande. Il y a un morceau hyper chelou où il a enregistré juste des attaques d'accords sur le piano, mais bien longtemps avant, bien longtemps après, il les passe, ensuite elles passent à l'envers. C'est hyper chelou comme effet, ça marche à fond. Et la dernière pièce qui s'appelle Anthropophagia d'ailleurs, qui fait une douzaine de minutes, c'est lui qui improvise un petit peu en mode Terry Riley, là, en mode minimaliste, avec par-dessus lui un disque de texte lu par Antonin Artaud. C'est assez fascinant. Là pour le coup, la dernière pièce que j'ai envie de partager avec vous s'appelle Inside Outside, pour être précis. Et c'est une improvisation qui se réfère directement à la dynamique de la respiration dans les moments qui précèdent l'éjaculation. Et là, je vais citer le maître, Patrizio Farizelli. Cette œuvre est une parfaite transposition en musique de la part masculine d'une étreinte. Activité amoureuse d'abord lente, mais incessante, puis de plus en plus furieuse, décrite par les notes d'accords sporadiques, chuchotées, effleurées, puis de plus en plus claires et rageux, jusqu'à atteindre le sommet. La dernière partie de la pièce voit la détente de l'homme suite à la fatigue, puis la douleur silencieuse qui suit la relation amoureuse. C'est tout ça qu'on va s'écouter maintenant. Inside, Outside, Patrizio Farizelli, Anthropophagia. Thank you. Et voilà, c'était Inside Outside, on tirait de l'album Anthropophagia, dont je vous recommande carrément l'écoute. Je connaissais pas du tout, enfin je connaissais Patricio Varizelli pour avoir vu son nom dans des pochettes de R&H, je savais pas ce que ce monsieur pouvait proposer en solo, et c'est ma foi hyper intéressant. Et Guénolé, c'est à toi la parole. Oui, je te remercie Manu. Donc ben voilà, on est entre amis, on écoute du son, donc on va écouter Friends Sound. Donc Friends Sound, un groupe des États-Unis que voilà qui m'a été octroyé pour ce pied de la lettre au pied de la lettre F de la Nurse with Wound List. Donc ils ont un seul album paru en 69. Donc il y a trois membres, Drake Levin à la guitare, Phil Volk à la basse et Michael Smith. Voilà, ça c'est un peu le noyau dur qui sont issus du groupe, notamment Paul Revere and the Raiders. Moi je connaissais pas, j'ai écouté hier une chanson, j'ai oublié le titre, mais c'est une histoire de réserve indienne, je sais pas, Indian Appalachian Civilization ou quelque chose comme ça. Ils sont issus également du groupe Brotherhood, voilà, qui est un groupe de rock psyché assez classique, qui a fait 2-3 albums en 67, 68, quelque chose comme ça. Du coup, tous les trois sont reformés aux États-Unis et ils sont accompagnés de plein d'autres genres, donc de plein d'autres instruments, donc du sax, de l'orgue, d'autres guitares, d'autres batteries, de la percussion. Et voilà, donc ils ont fait un album qui s'appelle Joe Ride, donc la chevauchée de la joie ou quelque chose comme ça, enfin Joe Ride, ça fait un peu western, je pense qu'il doit venir un peu du Midwest, ces petits oeuvres. Et donc c'est du rock un peu expé, un peu psyché, enfin l'album est un peu, voilà, on s'y perd parce que c'est, ils peuvent partir dans du rock psyché comme ça sur un album, sur quelques partition d'une chanson, et puis faire sinon de la captation sonore, voilà. Il y a beaucoup de choses, et j'ai écouté ça hier, et j'ai choisi deux morceaux. On va commencer par le premier, qui s'appelle Love Sketch, qui dure à peu près 3 minutes 30, la balade dans le Midwest, avec ce groupe-là, Friends Sound, l'album Joe Ride. I'm Morceau très intéressant, très calme, très doux. Qui Love Sketch. Exactement. Et juste avant que les micros soient allumés, on parlait de ça avec Guénolé, où ça nous a fait vraiment penser au film James Bond. Tous ces films-là, là, surtout des années, je dirais 80-90, un peu à l'ancienne, où James Bond, il est au bar, il vient de faire une action de malade mental, il boit une vodka martini, et y a un truc de redescendre, mais quelle est ma vie, qu'est-ce que je fais, ah là là, c'est extrêmement dur d'être espion et d'être... Et c'est exactement cette musique-là. Oui, vraiment. mais c'est quand j'ai écouté hier, les premières secondes, je me suis vraiment demandé si c'était pas vraiment une musique de film que j'avais déjà vue, quoi. Et donc musique de film, donc voilà, donc là on se dit ok, c'est. Je vous rejoins. Il y avait un gros côté John Barry, de ouf. John Barry. Ouais, voilà. Carrément. De la mise en suspense. Comme diraient les très bons chroniqueurs radiophoniques français, en suspense, mais haletant, quoi. Bien haletant. Mais ça reflète absolument pas du tout l'album. Et c'est pour ça que je vais vous en mettre un autre morceau qui reflète encore moins l'album, parce qu'il n'y a aucune chanson qui reflète l'album, en fait. Ça qui est un peu intéressant. On retrouve à travers chaque chanson des petits gimmicks qui peuvent faire penser à une couleur d'album. Mais chaque chanson n'est pas révélatrice en elle-même de la couleur de l'album. Donc là, on va écouter, je crois que c'est l'avant-dernière ou la dernière, Los Angeles Prospect Street. Je pense que c'est Street parce que c'est ST point à la fin. Donc je pense que c'est la Street. Donc la rue de l'Ange perdu. Prospect, voilà, bref, ça dure 9 minutes 20, et là on peut un peu plus entreapercevoir le côté expérimental, captation, et puis on change d'idée, même dans la chanson, même, voilà, donc c'est cette chanson, Manu, que je te propose. C'est une chanson qui ne reflète pas la chanson. C'est un MD mal foutu, quoi. Et je tiens à donner une information avant ce début de morceau, c'est que le match Belgique-France est à deux partout. Deux partout, oui, bien sûr. Oui. Deux partout, voilà, allez. Bon, ils vont faire comme nous, ils vont jouer les prolongations. On en a encore pour un bon moment, alors c'est parti. Los Angeles Proper Street. Friend Sound, donc tiré de l'album Joyride. No. Il est 22h40 hein, sur Radio. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, tout bêtement, ouais, ça commence à manquer le psyché là, dans cette émission. D'habitude, dès qu'on fait cette Nurse with One List, on finit toujours par passer du psyché. Il y a même des émissions où il n'y a eu que ça. Et là, on était plutôt penché sur le bizarre, sur l'étrange. Et là, tu nous ramènes un petit peu à la substantifique moelle des musiques psychédéliques. Et ça fait plaisir. Et c'est pas allemand. Ah ouais, en plus. Ah, ça y est, j'ai fait mon petit running gag. Non, mais c'est psyché. critiquer, mais pas que, parce que en écoutant cette chanson et l'album en entier, il y a une chanson qui est assez intéressante, qui est la 3 ou la 4, qui s'appelle Child Song, où c'est une captation de cours de récré d'enfants entre 5 et 10 ans, quoi. Et donc ça piaille doucement, quoi. Enfin, c'est la récré, quoi. Et il y a juste le pianiste qui accompagne ça, mais par quelques notes succinctes, vraiment à contre-courant du piaillement des élèves. Et enfin voilà, donc il se passe quelque chose, et je vais le réécouter, parce que je l'ai écouté que très peu depuis cette chronique que vous écoutez depuis les ondes de Radio 106.8. Ou de Bram FM. Ou de Bram FM, vendredi à 23h50, 40. Ouais, nuit et quelques. 23h40. Et voilà. Donc, et le dernier morceau, pour le coup, est vraiment clairement que psyché, comme ça, ou c'est que du tagliette à la rock. Non, de la pizza rock, vu que ce sont des Américains. C'est rigolo parce que j'ai écouté un seul morceau de cet album et c'était carrément du jazz. Oui. À mourir de rire, quand même. À mourir de rire. avant de décéder sous l'effet des zygomatiques, Inès, est-ce que tu veux nous parler d'un groupe, toi aussi, de cette lettre F? Bah écoute, ouais, allez, pourquoi pas. Comme d'hab, moi, j'aime bien traiter les groupes qui sont pas foufous. Je dirais pas qu'il est mauvais. J'ai été agréablement surpris. On va parler d'un groupe qui s'appelle, enfin un groupe, un truc qui s'appelle Free Agent, qui est sorti en 1980, donc qui est vachement plus vieux que le reste de ce qu'on a écouté. C'est un album et une formation solo unique. Il y a eu que cet album-là et il y a eu que ce projet-là, qui a été mené par Francis Cookson. Création musicale, j'ai même envie de dire pièce sonore, noise, clairement, vraiment pour littéralement noise, vraiment du bruit, influence techno, influence boucle, on sample, on fait de la trance, un truc un peu chelou. J'ai trouvé extrêmement peu d'informations sur internet sur ce projet là. Je peux juste vous dire qu'il est sorti en 1980 sur un label qui s'appelle Groovy Records. Qui a été créé en 1980 aussi, qui est basé en Angleterre. Maison de disque, label qui a été créé par Pete Shelley et Francis Cookson. Et Pete Shelley qui est notamment connu dans la scène post-punk et punk des années 70 en Angleterre. Donc voilà, aucune information à part celle-là. Et puis je suis tombée sur un Bandcamp où il y avait cet album. Qui a été ressorti en 2011 par un tout petit label de l'Illinois. Ouais, c'est ça. L'Illinois. Aux États-Unis, un label qui s'appelle Drag City Records. C'est sorti en février 2011, donc c'est ressorti en février 2011 sur ce petit label. Et c'est clairement un label, je suis allée voir le site internet, vraiment une bande de potes qui écoutent des trucs un peu bizarres. Il y a tout et n'importe quoi sur ce label. Et juste, ouais, C'est un label assez reconnu dans le milieu. C'est vrai. Ouais. Eh ben, comme quoi, je ne m'y connais absolument pas. Ouais. Et du coup, non, voilà, j'ai trouvé ça dessus, avec une seule description que j'ai envie de vous dire, et puis je pense qu'on balancera le morceau, parce que c'est le plus important de l'écouter, et vous me direz ce que vous en pensez. En vrai, j'ai été étonnamment surpris. Et cette petite description, c'est... Cette première sortie de Free Agent a mis en lumière les événements sombres d'une société de l'électronique progressive au milieu de la scène punk de Manchester à la fin des années 70. Francis Cookson, alias Sinister Dexter, a dirigé la folie qui comprenait des boucles de bandes, des commentaires, de l'improvisation libre et ce que vous avez de mieux, un petit peu, en musique. We'll be right back. bien, on vient d'écouter deux morceaux de Free Agent, groupe, formation solo d'un musicien qui s'appelle Francis Cookson, dont on n'a absolument aucune information, mais c'était un plaisir à écouter. En tout cas, à réécouter là la radio, ça m'a fait du bien d'écouter un truc qui envoyait un peu là. On a eu la musique un petit peu plus calme, plus, je dirais pas plus complexe, mais en tout cas plus difficile à atteindre au niveau des oreilles, enfin un truc où là c'est plus corporel, plus fluide. Et je pense que ça faisait du bien là à cette émission d'avoir cette petite pause un peu techno quoi. Carrément. Nico, on n'entend plus rien depuis l'Outre-Quivrin. Aurais-tu avalé ton chapeau au vu de certains résultats ou es-tu encore là? Je suis très heureux d'entendre l'émission parce que j'ai découvert des musiques super chouettes. Le foot, je ne sais pas c'est quoi en fait, donc je ne suis pas de tout ça. Malheureusement, il y a... Malheureusement, non, c'est pas... Heureusement, c'est chouette de réécouter le Free Agents parce que c'est quand même un groupe assez intéressant. C'est vraiment un groupe avec des membres de Buzzcocks, de Free Random, toutes des choses comme ça. C'est pas mal du tout. Et je suis content de réécouter ça. Super, ouais. Ah, tu connaissais alors, comme et, quoi. Et Friend Sound, Farid Zelli, ça te parle tout ça? Un petit peu, oui. Ok. Ouais, ouais. Monsieur Allard de la formule discrète. Je pense que Nico, il a un peu dégoûté parce que la France a gagné ce match. Non, il a dit qu'il s'en fichait. Ah, c'est vrai, d'accord. Par contre, Nico, je peux dire, ça fait 3-4 semaines qu'on essaie de préparer des émissions et qu'en plus, il n'est pas là et on en fait sans lui. Et il n'arrête pas de dire, vous me laissez Flying Lizards, ben voilà. Le moment est venu. Le grand moment est finalement venu de Flying Lizards. C'est pour moi, je pense, le groupe, c'est le seul groupe où que j'ai... Non, j'ai pas tous les albums. Ils ont sorti 4 albums. J'en ai 3. 3 albums qui étaient sortis entre 79 et 84, je pense. Et c'était un groupe qui était créé autour de David Cunningham. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore ce nom-là, David Cunningham. Ouais, carrément, ouais, ouais à fond. C'est sur la lettre C, c'était un pianiste, non, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est celui-là avec le album vraiment impressionnant, Dark Ray, sur le label Piano, un label qu'il lui-même a construit. Et que c'est, pour moi, c'est, ça reste un musicien incroyable. Il était programmé d'y aller à un festival en septembre à Eupen, qui s'appelait Mea Kusma. Et je vraiment regardé d'y aller. Et finalement, c'est annulé, comme vous le savez, pour quelle raison. Et donc, ça m'a toujours encore un peu... Je reste un peu déçu que je n'ai pas encore vu ce musicien-là parce que... Ils n'ont pas réalisé beaucoup d'albums, lui, parce qu'il est un producteur, c'est un componiste, c'est un monsieur tout, et j'adore ce qu'il fait. Et là, avec le Flying Lizards, il a changé un peu son chapeau de musique à conventionnel vers la musique pop. Et c'est probablement une des formations dans mon collection que j'aime bien, qui est de musique de pop. Et je pense qu'on va écouter un premier morceau qui s'appelle Money. Et comme ça, je vais vous expliquer un peu plus après. In life for free, but you can give them to the birds and bees. I want money, that's what I want, that's what I want, that's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money. get everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money. Cette 45 tours, ils sont devenus très populaires et ils ont finalement réalisé quelques mois après leur premier album qui s'appelait aussi The Flying Lizards. Et tu vas directement comprendre, ils sont un peu aussi, ils veulent choquer de temps en temps les gens. Et c'est avec le premier morceau sur l'album qui s'appelle Mandalay Song qu'on va écouter maintenant. Keep it the one. c'est l'opéra de Katsu, ça, non, Nico? C'est Bertolt Brecht. Et, tout à fait. C'est ça, tout à fait. Hein. C'est ça, c'est ce morceau Mendelssohn Song. Et peut-être que c'est un morceau qui me laissait aussi fort réfléchir à Art Bears, le morceau Red and Monkeys. C'est tout, c'est un peu le même genre, le même style. Ouais, et que la voix est très proche de Dagmar Krause, qui a aussi sorti ce morceau-là sur un solo album de elle, mais c'est beaucoup plus sérieux qu'ici. J'adore ce formation. Ils ont réalisé 3 albums et 3 fois avec une autre chanteuse, ce qui est aussi très remarquable, je trouve. Et 3 fois, c'est des voix qui sont très proches l'un à l'autre et que c'est pas toujours facile de reconnaître que ce sont des autres voix et qu'ils ont quand même gardé le même esprit de ce groupe-là. Ils étaient aussi probablement inspirés par le Residence, où ils ont peut-être bien écouté, parce que c'est avec le morceau suivant ce qu'on va écouter, ce qui s'appelle Russia, qui est très très très proche de The Residence. Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russia, I'm a Russ Les bruits de gens qui quittent le studio, c'est quand même plus classe que le fade-out. Quelle fin de morceau, incroyable. Bah quel morceau et quel groupe, c'est mortel. Bah franchement, je connaissais absolument pas. Et depuis le temps que tu dis que tu as envie de t'en occuper, je me suis dit, je vais attendre l'émission pour découvrir en direct. Et waouh, belle claque. Ouais, c'est... Et je pense qu'on reconnaît vraiment bien David Cunningham, que c'est vraiment un monsieur qui a une belle vision de quoi ça sert la musique, de créer son propre morceau, comme ici Russia. Là, c'est un morceau que lui-même a créé, mais il aime bien aussi de faire des reprises des autres artistes, comme on a entendu le Mendelssohn Song, qui était, comme tu disais déjà, Bertolt Brecht et Kurt Weill. Ou comme il y a un morceau de qui encore The Window qui venait de Goldman, ou de qui encore un morceau que je vais le garder pour la fin, c'est une reprise de Cochran et Cape Heart. C'est un morceau, comme on l'a vu ici, quand on joue ça, tout le monde va le connaître. Mais ils ont aussi intéressé dans la musique assez électronique. Et ça, c'est le morceau suivant qui a une vraiment une autre ambiance, et ça s'appelle The Trouble, si je ne me trompe pas. C'était Trouble de Flying Lizards, une composition faite par David Cunningham, qui était sur le premier album de The Flying Lizards, qui était sorti en 1979. C'était aussi un des de ces trois albums de Flying Lizards, il y a encore deux qui suivent, et finalement, je pense en 2010, je ne sais pas l'année exactement, il a encore créé un quatrième album, mais qui était déjà réalisé en 77-18, quelque chose comme ça, et que c'est plutôt le dub qui a intégré, qui a retraité cet album-là, et qui est aussi un super chouette album. Et pour, il faut aussi savoir que fin des années 70, il y a en Angleterre, il y a quand même plusieurs groupes assez intéressants. Il y a Elvo qui était là, il y a Sarah Coast Pop, il y a The Homosexuals. Il y a toute une série de groupes et de musiciens qui étaient très fort liés. Et je conseillerais de découvrir un peu tout cet univers-là. Et je pense, pour clôturer cette petite capsule autour de The Flying Lizards, on va jouer le morceau qui était en premier lieu sorti en 78 comme le premier 45 tours de The Flying Lizards, et qui se trouve aussi sur cet album-là, The Flying Lizards, qui s'appelle The Summertime Blues, qui est en reprise, et à mon avis, vous allez directement le reconnaître. About working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says, "Nowadays, son, you gotta work late." Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. My mama papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use the car 'cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called up my congressman and he said, quote, "I'd like to help you, son, but you're too young to vote." Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Non seulement j'aime beaucoup les morceaux de Flying Lizard que je découvre, mais j'adore les fins de morceaux de Flying Lizard. Ils sont intéressants, vraiment intéressants. De temps en temps, ils faisaient aussi 12 inches, les 45 tours et les 12 pouces. Et de temps en temps, les morceaux sont peut-être un peu trop longs, ils répètent toujours la même chose, mais ça reste incroyable. Et donc, c'est un des seuls groupes que je passe souvent sur les soirées quand j'ai le moyen de passer quelques disques. Donc, souvent, ils sont dans la sélection. Et je vous conseillerais aussi d'essayer d'écouter le deuxième et le troisième album de cette formation. Eh bien, on n'y manquera pas. Merci beaucoup. Il est 23h23, tiens, spécial dédicace à Noé. Il est 23h23 sur Radio Radio. Si vous êtes sur Bram FM, j'arrive plus à faire la translation, mais il est beaucoup plus tard que ça. Il est minuit passé. Vous écoutez toujours vraiment autre chose. La petite émission musicale d'Obédience Progressive, c'est la 185e édition de vraiment autre chose. Ah, 185, franchement, ça fait plaisir. Et nous sommes au pied de la lettre. Je crois que c'est la 16e ou la 17e édition qu'on consacre à l'exploration de la Nurse With Wound List. Pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est moi qui vais clore cette tentative d'exploration. On en est à la combienième? Je vais juste vérifier. On est à la 17e, c'est ça, 17e exploration de la Nurse With Wound List. Et on va la clore et clore la lettre F avec Luc Ferrari. Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire sur ce monsieur, et j'ai décidé de ne pas le faire. Je vais être plutôt succinct et vraiment parler d'une œuvre particulièrement marquante de Luc Ferrari. Donc, pour vous situer un peu le monsieur, et si vous êtes des fans de musique, si vous êtes des fans de comment appeler ça, de musique concrète, expérimentale, field recording, vous connaissez déjà ce nom, parce que c'est vraiment quelqu'un qui... C'est vraiment une pointure de ces musiques-là. Il est né en 29, le 5 février. Si vous voulez lui fêter son anniversaire, n'hésitez pas, ce sera le 5 février. Né à Paris, donc. À la base, enfant, il se consacre à la composition et au piano, et ensuite il contracte la tuberculose, et du coup, ce qui le met dans l'incapacité de jouer, donc plus de piano, et c'est là où mes notes s'arrêtent parce que j'ai pas eu le temps de prendre plus de notes, donc du coup, je vais vous faire ça un petit peu de mémoire. Mais en gros, c'est un moment assez difficile pour le jeune Luc, qui du coup compense le fait de ne pas pouvoir jouer par le fait de pouvoir écouter, et écoute beaucoup de musique, y compris des musiques expérimentales. Et un jour, il entend Désert, la pièce d'Edgar Varèse, et c'est la grosse méga claque pour lui. C'est une pièce assez folle, hein. Bon, Désert, c'est indescriptible comme pièce, Désert d'Edgar Varèse. C'est une pièce qui mélange de la musique acoustique et de la musique électronique, et qui joue beaucoup sur les silences, sur les dissonances. C'est la première fois qu'elle a été jouée, ben, justement, à New York. Ça a été sous les huées du public. Commencez à jouer, qu'est-ce que vous faites? Vous ne jouez pas, vous êtes juste en train d'accorder vos instruments. Enfin, c'était ce genre de réflexion-là. C'était une pièce qui a bien mis sa claque et bien fait un scandale. Bon, du coup, pour Luc Ferrari, c'était pas scandale, au contraire, il prend le premier bateau qui vient et il fonce à New York pour rencontrer justement le génie qui a composé ça, Edgar Varèse. Et il s'entige donc de musique expérimentale, de musique électroacoustique, de musique de découverte d'une autre façon de voir la musique. Il rentre en France, il rencontre Pierre Schaeffer, avec lequel il fonde le GRM. Voilà, bon, les petites citations pour les gens qui sont assez pointus dans ces musiques-là. Voilà, Luc Ferrari a écrit des pièces qui font œuvre, dont ce Presque Rien, sur lequel je vais m'arrêter. Donc on est en 1971 quand ça sort. Et c'est une expérience assez particulière que l'écoute de ce Presque Rien. Donc la démarche de Luc Ferrari à ce moment-là, c'est qu'il est à fond d'aller en prendre du son dehors. On considère même que on ne doit pas connaître la source du son. Voilà. Donc il déconstruit un petit peu tout ce qui est faire de la musique par des instruments, c'est plutôt aller chercher du son. Et il y voit même et il se targue même d'une dimension sociale. La musique est sociale, elle va prendre le son de la vraie vie et retranscrire la vraie vie. En gros, c'est un petit peu ça que raconte cette pièce, qui est une pièce... chacun se fera une opinion sur cette pièce-là, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle a marqué vraiment l'histoire de la musique, qu'elle est citée comme étant un chef-d'œuvre par pas mal de musiciens. Et elle se déroule en 1967. À ce moment-là, Luc Ferrari est en Croatie, en séjour dans une île en Croatie, et il sort son micro dehors et il veut enregistrer le silence précédant le lever du jour au bord de la mer. D'ailleurs, c'est le nom de cette pièce, Presque Rien numéro 1, parce qu'il y aura 4 Presque Rien en tout, Presque Rien numéro 1, ou le lever du jour au bord de la mer. Donc il met son micro et il prend les ambiances, comme ça, en Croatie, en Dalmatie, pour être précis, d'un village qui se réveille. Au début, il n'y a pas âme qui vive, l'enregistrement est fait sans un Dalmatien. Et puis par la suite, les pêcheurs arrivent et la vie commence à bruisser, à naître. Et c'est comme ça, je crois que c'est 8 heures d'enregistrement, mais c'est pas que de l'enregistrement, parce qu'ensuite il rentre chez lui, il réécoute les bandes et il concocte une pièce d'une vingtaine de minutes. C'est ce qu'on va écouter maintenant. Donc c'est du field recording certes, mais il y a aussi du montage, du collage, parce que vraiment son but c'est vraiment de laisser cette ambiance naissante jusqu'au moment où vraiment le village commence à bruisser. Donc c'est 8 heures d'enregistrement que lui a compilé en 20 minutes pour donner quand même l'impression d'une évolution. C'est un peu comme si un petit peu comme une vidéo qu'on aurait mis en accéléré, quoi, quelque part, pour vraiment avoir toute la vie, mais de façon lente, progressive, et qui arrive. C'est assez merveilleux, c'est assez fabuleux, c'est ce qu'on va s'écouter maintenant, donc pour pouvoir clore cette 17e édition de Au pied de la lettre. Donc c'est Luc Ferrari, Presque Rien numéro 1. C'est parti, chers amis ES, chers amis, pour un voyage dans la Dalmatie, le lever du jour au bord de la mer. On va entendre les pêcheurs, on va entendre les mouettes, mais au début on va entendre Presque Rien. Thank you. Thank you. Thank you. Et voilà pour cette longue balade en Dalmatie. On était sur les petits chemins, là. On était en forêt, on était au bord de la plage. C'était incroyable. On a entendu les pêcheurs, on a entendu les cigales. On a un petit peu entendu tout ce presque rien qui se passe pendant le lever du jour au bord de la mer. Et c'est comme ça, de cette façon un peu bucolique et maritime... que se termine cette édition de vraiment autre chose. Cette édition de vraiment autre chose, c'était donc au pied de la lettre numéro 17. On a continué l'exploration de la North with One List et nous étions sur la lettre F. Nous en avons même fini avec la lettre F. Et j'ai même le plaisir, Inès, de te dire que nous avons passé le 100e groupe. On a fait 103 groupes ou musiciens sur les 291 que contiennent cette liste. Donc voilà, on avance, ça fait première plaisir. Étape. Hein, n'est-ce pas, Nico? Tout à fait, c'est déjà le troisième, et encore moins que deux étapes à faire, avec moins que le nombre de groupes déjà passés, donc ça va bien. Et j'ai eu l'occasion d'ouvrir la balle aujourd'hui. On a commencé avec Fred Frith, avec deux morceaux qui venaient de son album Guitar Solos, qui était sorti en 1974 sur Caroline Records. Le premier morceau s'appelait Hello Music, un très court morceau, et le deuxième qui était un peu plus long, c'était Out of Their Heads on Locoweed. Et ensuite, enchaîné avec trois morceaux on Ralph Records, Manu. Tout à fait, Don't Cry For Me, tiré de l'album Gravity, A Hell in the Sand, tiré de l'album Speechless, et Same Old Me, tiré de l'album Cheap at Half the Price. Voilà, on a un petit peu rapidement exploré les albums solo de Fred Frith, sortis par la suite dans les années 80 sur le label Ralph Records, comme tu le citais, label des Residents. Par la suite, que s'est-il passé? J'ai continué à prendre la main pour vous faire découvrir l'anthropophagie, l'album Anthropophagia du pianiste Patrizio Farizelli, connu comme étant le pianiste du groupe Area. On s'est écouté trois extraits dans l'Anthropophagia, les titres c'était Roast Beef, Scory, et on a fini par Inside Outside. Ensuite c'est Guénolé qui a pris la main pour nous faire découvrir le Joyride, l'album de Friendsound, l'unique album de cette formation. On a écouté deux titres, Love Sketch suivi de Lost Angel Proper Street. Et on a enchaîné avec Free Agent, petit solo de 1980 avec deux morceaux qui n'ont pas de nom puisqu'il n'y a que juste cette performance musicale qui a un nom qui s'appelle 3,33 livres. Et ensuite on a enchaîné avec un des groupes que j'adore tellement bien, c'est The Flying Lizards qui ont sorti en 79 leur premier album de Flying Lizards, et on a entendu cinq morceaux qui venaient de cet album là parce que c'était le seul album qui restait encore, qui était dans la liste North with Wound au moment que c'était publié, parce que c'était déjà en fin des années 79 ou début 80 que la liste était publiée, la deuxième liste, et donc les autres albums ne sont pas inclus. Donc je me justement restreins à l'album de le premier album, et on a entendu Money, That's What I Want. Ensuite on a entendu Mandalay Song, ensuite c'était Russia, ensuite c'était Trouble, et le cinquième morceau c'était Summertime Blues, et tout était sorti sur Virgin en 1979. Et on a fini avec Luc Ferrari et donc cette pièce Presque Rien numéro 1, le lever du jour au bord de la mer. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. C'était chouette, c'était très disparate ce soir, musicalement parlant. Et en plus, on a fait disparaître le souffle, et ça fait plaisir. Et on a eu droit à des commentaires de foot, grâce à Fred Frith. Hein. Merci Fred de nous avoir ouvert la voie. Et on se retrouve, je pense, dès jeudi prochain. Donc, ce sera le 14 octobre pour attaquer la lettre G. Et quel plaisir, ça va être chouette là, quand c'est une nouvelle lettre. Toujours une joie, à très bientôt Nico. À très bientôt. Et à très bientôt Inès. Salut tout le monde, salut Manu, salut Nico, passez une excellente soirée. Et nuit, à la prochaine.